Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la bande à Baggio. Aujourd'hui, on va parler de la troisième journée de championnat de Ligue 1. Et on reviendra aussi sur le championnat, sur les différents championnats européens. Et avec moi, j'ai Gabi. Salut Gabi. Salut à tous. Loïc qui est là aussi. Salut Loïc. Salut tout le monde. Salut les gars. Et Hugo. Salut Hugo. Salut tout le monde. Voilà, bon, ça nous emmène directement à cette troisième journée de Ligue 1. Qui a débuté vendredi avec l'Olympique Lyonnais qui a battu Strasbourg par 2-0. Est-ce que quelqu'un de vous a vu le match? Ouais. Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe lyonnaise? Il y a eu beaucoup. Ça a été brouillon quand même. Moi j'ai trouvé à Lyon. Bah vas-y Hugo, vas-y. Moi j'ai trouvé que Lyon, bah c'est le point fort de cette équipe. Le point fort de cette équipe, c'est les individualités. Et puis bah voilà, ils s'en sont sortis grâce à des individualités fortes, notamment Bertrand Traoré qui s'est bien démené avec sa séquence de dribble qui amène au but, et puis Martin Terrier voilà, qui a la finition et un superbe petit ballon piqué. Donc voilà une équipe qui a des individualités devant qui sont très intéressantes. Malgré tout, j'ai trouvé que l'équipe s'est pas mal fait bouger par Strasbourg, notamment en première mi-temps. Donc voilà une équipe de Lyon qui devra se montrer un peu plus rigoureuse dans le jeu pour espérer jouer les premiers rôles. Il y a le talent, mais il faut maintenant y mettre du sien. Et puis du côté de Strasbourg, c'est pas alarmant, je trouve, c'est une défaite logique, mais Strasbourg a été plutôt correct sur ce match, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Loïc? Non, moi j'ai pas vu le match. Je ne pourrais pas parler du match, j'ai juste vu le résultat, le match je l'ai pas vu. Ok, d'accord. Mais alors Gabi, vas-y, dis-moi un petit peu ton ressenti. J'ai été déçu par Strasbourg. J'ai trouvé qu'ils sont venus pour se prendre un peu la fessée, sauf pendant 15-20 minutes au début du match où ils ont joué leur jeu comme ils font à la Méno, mais j'ai été hyper déçu de leur prestation. Je les ai trouvés un peu spectateurs de leur match, dans le sens où ils ont arrêté d'attaquer en deuxième période pratiquement. Franchement, je m'attendais à mieux parce que je me dis que Strasbourg, après la bonne saison qu'ils ont faite et battre certains gros l'année dernière, ils avaient battu le Paris Saint-Germain d'ailleurs, je crois. C'était la première équipe. Oui, c'était la première défaite du PSG l'année dernière. Ouais. Après, qui était venu après le super match de l'OM contre le PSG. Le Strasbourg, c'était une équipe qui était capable de battre Lyon. Et j'ai pas trop compris la frilosité de cette équipe-là. Bah après, ils ont perdu aussi quelques cadres quand même. Ils ont perdu le petit là qui est parti à Lyon. Terrier, ils ont perdu Aoulou. Ils ont perdu Aoulou. Ouais. Mais c'est vrai que le but que Terrier met, comme dit Hugo, bah, elle arrive contre le cours du jeu. C'est-à-dire que Terrier qui a révélé d'ailleurs qu'il était fan de Thierry Henry et puis qui s'entraînait beaucoup à faire ce genre de geste, plat du pied, filet opposé. Et c'est exactement le but. Donc voilà, c'est un peu dommage que Strasbourg n'ait pas joué à 100%, je trouve, ce match. Voilà. Bah, c'est dommage parce que quand tu vois Strasbourg, ce qu'ils avaient fait face à Bordeaux, franchement, c'était avec un but exceptionnel. Tu te dis, voilà, t'as envie de voir Strasbourg tous les samedis comme ça contre Saint-Etienne. Ils n'avaient pas été mauvais, ils avaient fait plutôt un bon match. Et puis là, tu te dis, attends, ils ne sont pas déjà fatigués de leurs deux premiers matchs. Et moi, je te rejoins, je suis assez déçu de Strasbourg. Je pensais vraiment qu'ils allaient un peu manier cette équipe lyonnaise. Mais pour moi, Lyon, ils ont été un peu brouillons quand même. Et heureusement qu'il y a des bonnes individualités du côté lyonnais, parce que sinon, ça aurait peut-être fait un 0-0 ou ça aurait fait un match vraiment terne, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et là, ils annoncent le départ de Mariano Diaz, qui va peut-être partir avant le 31 août, il y aurait le FC Séville qui serait sur les rangs pour le prendre. Peut-être le Real aussi. Peut-être le Real, ouais. Bon, c'est, le plus, mais bon, ça, je pense que c'est vraiment une connerie parce que ils veulent, soi-disant, ils vont réactiver la, parce qu'ils ont une priorité sur lui, mais je pense que plus Séville. Parce que le Real, je ne le vois pas, bon, en double. Le Real, je vois pas pourquoi il prendrait. Ouais. C'est clair, je le vois pas du tout. Et enfin, je sais pas si tu veux en parler, Gabi, mais hier, ouais, tu m'avais lancé un petit scoop par rapport à Anthony Martial qui serait peut-être prêt à rejoindre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que où ça en est là pour le moment? Où ça en est, bah ça a pas trop avancé hein, pour le moment. Ouais. C'est-à-dire que apparemment, il était soi-disant, il a été aperçu à l'aéroport à Lyon avec son agent pour faire un, comment dire, un entretien avec la présidence lyonnaise, et puis voilà. Mais je sais pas où ça en est exactement aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est un peu, ça va un peu retomber à l'eau comme l'histoire de Thierry Henry, parce que le salaire est trop énorme de Martial. Donc j'ai du mal à y croire. Enfin bon. Alors, est-ce qu'ils veulent absolument vendre Mariano Diaz justement, et puis après en profiter pour rajuster pour le salaire de Martial, ça peut être une chose aussi. Après, ça me ferait mal au cœur s'ils le font, mais je pense qu'ils devraient se tourner vers un Ben Yedder, un joueur de ce style-là, parce que Ben Yedder, il ira plus trop dans les papiers de l'entraîneur de Séville, et je le vois bien, même à Marseille, hein. Marseille, ils auraient pu tenter, mais bon, après... Ouais, mais je sais pas, il a pas bien envie de venir à Marseille, Ben Yedder, hein. J'ai pas l'impression, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'il tape... Marseille tape un peu le pied, et viennent pas, j'ai pas l'impression qu'ils veulent, qu'il a envie de venir là-bas. Après, Martial, comme on en parlait hier, Gabi, Martial, enfin, il a 2 ans de football de perdu, quoi, ouais. Martial. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'il joue plus au football, hein, comme on disait. Hein. Donc, c'est une sacrée, vraiment une grosse déception pour les supporters de Manchester, parce que rappelez-vous, c'est quand même c'était pas un transfert, un petit transfert hein, de 20 millions. Hein. Mm. Je me rappelle plus combien ils l'avaient payé, mais c'était vraiment pour eux la future star. Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Excuse-moi, 50 plus 30 ou 40 millions de bonus. Ouais, ouais, voilà, donc ça fait beaucoup, hein, et je pense que au début, ça s'était très très très bien passé pour lui, puis après il y a eu cet euro complètement gâché, et après il a complètement perdu la confiance de Mourinho. J'espère pour lui, parce que j'aime pas me moquer des joueurs comme ça, j'espère pour lui qu'il va retrouver un club et puis qu'on va réellement voir sa qualité, ouais, parce que je pense que c'est quand même un joueur de qualité, mais c'est que là il n'était pas dans le... Peut-être pas dans le bon championnat, peut-être pas avec la bonne équipe non plus. Peut-être qu'il est... Oui, vas-y, oui. Pour sans te couper, excuse-moi, pour l'avoir connu à Monaco, en fait, Martial, c'est un mec qui a beaucoup de qualités, mais il est trop sûr de ses qualités. Il est un petit peu feignant, c'est-à-dire qu'il va choisir ses matchs, alors qu'il a tout à gagner à être constant, parce qu'il est vraiment, c'est un putain de joueur, quoi. Et techniquement, il est bon, il a de la vitesse, mais après, c'est le football, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut bosser, quoi. Il faut bosser et c'est tout. Mais il peut le faire, hein, mais après, c'est à lui de voir. Hein. C'est à lui de voir, quoi. Ouais. Hugo, toi, t'en penses quoi de Martial? Enfin, ce serait une bonne chose si des fois il allait à Lyon? Alors, déjà, de un, c'est la première fois que j'entends cette rumeur, donc je suis ravi de l'apprendre. Mais je trouve ça pas très crédible dans un sens, parce que niveau salaire, il va falloir faire un sacré effort du côté de Lyon pour payer Anthony Martial. De plus, je trouve que ça fait un peu... doublon avec Memphis Depay, c'est un peu le même style de joueur. La force en moins pour Anthony Martial. Et franchement, je suis pas fan de ce joueur. En fait, je vais vous dire, je suis pas très fan des... joueurs comme je mets toujours dans le même lot Anthony Martial et Kingsley Coman, parce qu'ils sont arrivés en équipe de France en même temps, et je trouve qu'ils ont un peu le même style, tu vois, que c'est des coureurs, enfin ils tracent et puis ils arrivent jusqu'à la ligne, des fois ils te centrent pas, enfin voilà, c'est des mecs qui comptent que sur la vitesse dans leur jeu et sur les dribbles. Ils jouent pas super super collectif. Marseille, il essaie trop de faire la différence tout seul, et ça lui porte préjudice. Je sais que Mourinho, déjà, il aime pas ça, donc c'est compréhensible qu'il soit sur le banc à Manchester. Et je suis pas sûr qu'à Lyon, avec le profil de l'attaque qu'ils ont, que ça apporte une plus-value. Je suis pas sûr du tout. Hein. Il faudrait plutôt, comme vous parlez de Ben Yedder, c'est plutôt un style d'avant-centre qui est assez. Lui, il peut remiser des ballons, il a une bonne finition, il va pas te faire le dribble de trop. Et c'est un attaquant comme ça qu'il faut à l'OL. ou alors un renard des surfaces, mais pas un énième dribbleur fou, parce que quand t'as déjà deux pailles, Fekir et Traoré. Ah, c'est sûr. Voilà, t'as trois dribbleurs fous, quatre, ça fait vraiment trop. C'est sûr. On verra bien, de toute façon, là, le 31 août, c'est dans trois jours. Je sais pas s'il va y avoir des grosses surprises. On va encore écouter des conneries un peu à droite à gauche. Là, Infosport, ils vont inviter des agents et puis ça va faire jusqu'à minuit. Non, mais la France n'a pas les moyens d'acheter des gros joueurs. Ah non, c'est sûr. T'auras un Nicolas Pépé qui ira peut-être à Lyon. Voilà, point final. Je vais vous donner 2-3 infos qu'on parlera de Monaco. Ah bah d'accord, pas de souci. Donc Lyon qui gagne 2-0 le RC Strasbourg. Ensuite à 17h samedi, le Paris Saint-Germain recevait Angers, et le Paris Saint-Germain qui pouvait gagner une troisième rencontre en trois matchs, et c'est ce qu'a fait Paris avec une victoire 3-1. But d'Edinson Cavani qui revenait jouer son premier match de la saison. Ensuite, superbe but de Kylian Mbappé, un but un petit peu à la caserie lors de la première journée de championnat. Et Neymar qui marque le troisième but. Et Angers, c'était sur penalty, c'est Mangani qui avait égalisé en plus face à Paris. Gabi, alors qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ce match? T'as vu des Parisiens sereins de toute façon contre Angers? Ouais, on a vu des Parisiens sereins. Le 1 partout, il vient un peu aussi contre le cours du jeu avec, je veux dire, des Parisiens qui dominent, et puis t'as un petit contre de l'équipe adverse qui vient titiller la défense, et tout de suite t'as la faute du nouveau joueur Kerrer qui est pas forcément bien aligné, et puis il veut tacler pour bien faire, mais il est tellement en retard qu'il prend que les chevilles de l'attaquant, et je veux dire, c'est, il y a un partout, et à un moment donné tu te demandes, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de Guingamp en première période où ils arrêtent de jouer? Et ben finalement non, ils ont continué, et puis ça a été un match vraiment agréable, je trouve, pour les spectateurs qui se sont déplacés, le parc était plein. Et on a vu un but de chaque grande star de l'attaque du PSG, c'est bien, je trouve, parce que à chaque fois les joueurs venaient se féliciter, il n'y avait pas d'histoire de rancœur par rapport à la Coupe du Monde. On aurait pu se demander si Mbappé et puis Neymar, il y aurait une petite rancune, voilà, par rapport à ce que Neymar, on disait sur lui, qu'il voulait à tout prix gagner la Coupe du Monde, et finalement c'est plus forcément la grande star du PSG. Ben, on a vu que c'était deux super potes sur le terrain, et sincèrement, là, vu comment c'est parti, j'ai l'impression que ça sera une belle saison, du moins jusqu'à l'hiver, jusqu'à ce que voilà, le premier tour de Champions League se termine. Après, ça sera une autre saison comme l'année dernière, voilà, après l'hiver, mais là, ça a l'air de bien se présenter. Il n'y a pas de problème de mercato, tout est assez bien géré au milieu de terrain, Draxler va finalement rester, donc... Guedes a été vendu aussi au FC Valence, si je ne me trompe pas, pour 40 millions, c'est ça, je crois, aujourd'hui. C'est ça, là. Valence, ouais, c'est ça. Et puis voilà, non, c'était une belle journée sans plus, quoi, voilà. Puis bon, après Paris, il bénéficie quand même d'un début de saison assez favorable, hein, parce que le prochain match va être contre Nîmes. Ça sera à Nîmes. Alors, certes, ce sera peut-être pas forcément facile, mais connaissant Paris, quand même, je pense que Nîmes, ça peut être une formalité avec l'effectif qu'il y a en face. Marseille a peiné, mais Marseille n'est pas du tout dedans, alors que Paris, ils ont tout de suite ils sont tout de suite dedans, hein, depuis le début, voilà, même s'ils ont un peu peiné face à Guingamp, ils ont quand même été là à la fin, hein, cinquième journée Saint-Etienne, ensuite ce sera Rennes, voilà, ils ont un début de saison quand même favorable. Et là, j'essaye de voir quand est-ce que Paris aura le premier choc. Ce sera la 9e journée, le 7 octobre face à Lyon. D'accord. Donc déjà, ils ont la possibilité quand même de prendre 24 points en 8 matchs. Enfin, ce serait bien. Déjà, ce serait une bonne avancée pour le titre, quoi. Ouais, assez énorme. Et puis moi, j'ai toujours cette théorie du début de saison où t'as les grosses, les promus qui brillent, tu sais, qui sont souvent premiers du classement et qui s'effondrent complètement. Et je pense que Nîmes, ils vont peut-être essayer de jouer un mauvais coup à Paris, mais voilà, comme à Guingamp et comme contre Angers, Paris à l'usure, ben, l'adversaire qui a plus le ballon, ça fatigue, et en deuxième période, ils font tranquillement la différence. Ouais, voilà, mais c'est ce que Paris arrive à faire, c'est ça. C'est dès que l'adversaire est mort, Paris, ils savent à chaque fois comment marquer au bon moment. Ouais. Et je pense que Paris, de toute façon, il n'y aura pas de secret pour eux. Ils vont peut-être perdre cette saison, ils vont peut-être perdre un ou deux matchs, ça c'est sûr. De toute façon, au bout d'un moment, ils vont peut-être avoir quelques petits soucis. Mais ce début de saison pour Paris, ça va être, je pense, pour moi, ça va être une formalité. Jusqu'à Lyon, ça va être une formalité. Mmh. Bah, l'année dernière, le premier gros match de Paris, c'était contre Bordeaux au Parc. Il y a eu 6-2. Donc, voilà. Bon. c'était entre guillemets un des premiers gros matchs de Paris, quoi. Oui, c'est vrai. Finalement, ouais. Bordeaux, voilà. Loïc, un petit mot sur le Paris Saint-Germain ? Ben, je ne vais pas rajouter grand-chose. Gabi a bien résumé la situation. Mais après, moi, là où ça me fait plaisir pour les Parisiens, c'est que je me rappelle du début de saison l'année dernière pour Paris. Les trois de devant, ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Tu avais surtout Neymar qui jouait avec Mbappé. Mais là, je sens que les trois, ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Dans les attitudes, dans leurs déplacements, etc., je trouve qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble, et en espérant que ça fasse de grandes choses pour les Parisiens en Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. Pour vous, qu'est-ce qui fait justement que ces trois attaquants s'entendent ? Est-ce que c'est le changement d'entraîneur ? Est-ce que Tourelle, il a... Je pense qu'il a amené une cohésion, une conscience de chacun, quoi, parce que s'ils veulent réussir, ils ont tout intérêt à jouer ensemble, parce que Cavani, c'est un des meilleurs neufs au monde. Mbappé, Neymar, c'est eux aussi, c'est de très très bons joueurs. Et donc ils ont, pour moi, les bons joueurs, ils peuvent jouer ensemble. Faut mettre les égos de côté, les trucs personnels de côté, et voilà quoi. Ça aurait été bon, ça m'aurait pas fait plaisir, parce que bon, Monaco a perdu deux finales de Ligue des Champions, mais ils ont tout à gagner pour. La Coupe de la Ligue, tu veux dire. La Ligue, plutôt. Vous êtes vilain. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire sur le PSG, c'est que depuis le début de la saison, alors, ok, c'est le changement d'entraîneur, c'est le changement de système, donc je vais mettre ça sur le compte de tous les changements qui ont été opérés. Mais sur les trois matchs de Paris, j'ai pas trouvé qu'ils avaient une grosse domination sur l'adversaire, là même contre Angers, qui me paraît quand même très faible, Angers, cette saison, soit dit en passant. Ben, je ne trouve pas que Paris a été si écrasant que ça. Ils se sont sortis à peu près de la même façon que Lyon, là. Sur leurs trois matchs, ils s'en sortent grâce à leur trio de devant, aux individualités. Ils s'en sortent grâce à Mbappé et Neymar. Mais s'ils veulent espérer aller loin en Ligue des Champions, il va falloir plus que ça. Et franchement, le début de saison de Paris, pour la Ligue 1, il est très bien, hein. Pas de doute à avoir. Mais pour la Ligue des Champions, je ne sais pas ce qu'en pense Gabi, notre ami supporter lyonnais, parisien, mais je ne suis pas rassuré. Non, mais on en avait parlé dans les tout premiers débuts de la saison, justement, que Paris, s'ils gardaient cette mentalité qu'ils avaient en fin de saison dernière, contre les Rennais, où ils avaient perdu, contre le Real, où ils n'avaient pas joué le match retour, etc., avec ce manque de hargne, ils mettent pas les couilles sur le terrain, comme disent les Marseillais, voilà. Ben, je pense que, tu vois, c'est con à dire, hein, mais j'ai vraiment cette impression-là qu'à Paris, la vie est tranquille. Et finalement, quand t'es à Marseille, je pense que cette équipe-là, enfin, je vais faire rager sûrement des supporters parisiens, mais je pense que cette équipe-là, si elle avait été dans un stade plus dans le sud de la France, peut-être pas à Marseille, hein, mais avec une ferveur où on te met la pression, comme à Naples, comme dans des grandes villes italiennes, je pense pas qu'on sera passé à côté du Real Madrid au match retour. Parce que quand tu vois le Napoli qui a mis la misère au match retour au Real Madrid il y a un an et demi, au San Paolo, les fumigènes, ça fait pas tout, parce que ça arrivait le jour du match, et je crois que la mentalité, finalement, les Parisiens, ils l'ont jamais eu, la mentalité de gagneur dans cette équipe-là l'année dernière. Ils gagnent facilement tous leurs matchs, et ça, c'est un gros souci. En championnat, pardon. T'as l'impression quand même... Je disais juste que moi, j'avais dit la semaine dernière que moi, j'ai l'impression que Paris, pour le moment, ils jouent sur un pied, quoi. Pour eux... l'adversaire est tellement prenable qu'ils sont à 70% de leur capacité. Ouais. Après, moi, j'ai hâte de voir vraiment le premier gros match qu'il va y avoir. Donc, bon, là, je sais pas encore contre qui ils seront en Ligue des Champions, mais d'ici le 7 octobre, de toute façon, il y aura un match de Ligue des Champions qui aura commencé, de toute façon, un ou deux matchs. Mais bon, déjà le premier tour, je pense que pour Paris, voilà, ça va être encore des équipes, une équipe belge, une équipe d'Ukraine, et puis peut-être un gros Porto. Porto, ça va pas être facile non plus, mais je pense que ça va être quand même abordable pour Paris si c'est Porto. Bon. D'ailleurs, petit aparté, alors avant que vous finissiez la page sur Paris, depuis que Paris a été racheté par les Qataris, il y a 3 clubs qui ont battu Paris en aller-retour. C'est Barcelone, le Real et l'Aix-Nancy. Vous pouvez vérifier. Je vous jure que c'est la vérité. La première année, ils ont battu aller-retour, le PSG. C'est la seule équipe à l'avoir fait. C'est-à-dire, quand est-ce l'Aix-Nancy, en quel coup 2011-2012. Mais contre ouais. En quoi? En championnat, Ligue 1, ils les ont battus à l'aller et au retour. Ah bon? Putain, j'ai pas souvenir de ça. Ah, moi je me souviens du but de Jean Calvé, victoire 1-0 au Parc des Princes. Non, parce que je me souviens du but de Zlatan à Nancy, là, dans un. Mais quelle année c'était? Ça, c'était l'année suivante. 2011-2012, ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, bah, ouais. Ouais, c'est vrai, ça peut faire des stats, comme tu dis, mais bon, écoute, qu'est-ce que ça veut dire? À titre pour mon club. Voilà. C'est à souligner, hein. Ouais. Non, mais faut qu'il se donne un petit peu de baume au cœur, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop ça, mais bon. Ouais, non, mais bon, non, on verra bien Paris, le premier gros choc, on va bien voir ce qu'ils ont à donner, mais, ouais, je pense que non, comme tu dis. C'est pas là qu'on va les juger. Ouais, c'est pas là qu'on va les juger. De toute façon, je sais que, comme t'as dit tout à l'heure, Gabi, jusqu'à décembre, Paris, ils peuvent jouer entre guillemets à 70% de leur capacité, mais il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles à partir de janvier. De toute façon, là, on les attend en championnat, on les attend pas vraiment de toute façon, parce qu'on sait que Paris peut survoler le championnat, mais c'est vraiment cette année, vraiment, ils ont changé d'entraîneur. Je pense que c'est un entraîneur qui est assez compétent par rapport à l'ancien de l'année dernière. Je pense que cette année, Paris, ils ont vraiment quelque chose à faire en Ligue des Champions. Et je pense que c'est l'année ou jamais. Hein. Tous les ans, on dit ça, écoute. Ah ouais, mais... Après, moi, pour finir avec le sujet Paris, pour moi, le problème de Paris, c'est un problème d'institution, quoi, parce que les joueurs, ils sont trop importants à Paris. C'est normalement, dans un club, c'est l'écusson, le président, les joueurs, l'entraîneur, puis les joueurs. Alors que la tête de gondole de Paris, c'est des joueurs. Mais pour moi, je pense que c'est un problème juste d'institution. Après, Enrique, il est venu pour ça, soi-disant, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Enrique, pour moi, il n'a pas changé le fond du problème. Parce que pour moi, des gens comme Neymar, ou même Rabiot, ils ont tellement de problèmes là pour le faire prolonger. C'est les joueurs, ils ont pris une part trop importante dans le club, quoi. Alors qu'ils doivent passer derrière l'institution, quoi. On est d'accord. On est d'accord. C'est sûr. Voilà, bon, vous voulez rajouter quelque chose de plus sur Paris Non. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On leur a donné trop d'importance déjà pour cette journée. C'est sûr. Voilà, donc ensuite, on va passer au match. Alors, on va pas faire tous les matchs. Hein. On donnera les résultats comme ça avec vite fait un avis. On va parler de Bordeaux-Monaco. Allez, hein, vu que tu es là, Loïc. Et c'est vrai que Bordeaux a repris un petit peu du poil de la bête. Alors est-ce que c'est peut-être l'effet Thierry Henry qui a eu, que ça a donné un petit peu d'aide aux joueurs Henry ne vient pas. Donc je sais pas. Mais Bordeaux. Et surtout après le match, j'ai vu deux supporters bordelais avec déjà floqué numéro 14 Henry derrière leur maillot et tout. Ça m'a fait de la peine par contre. Ça m'a... Surtout que je sais pas s'ils arriveront à vendre le maillot, mais ils ont intérêt de le cacher bien profond au fond du jardin. C'est collector quand même. Ouais, c'est sûr. C'est un peu comme le maillot de Jardel avec le maillot de Marseille, peut-être, ou Maradona, maillot de l'OM, ou Balotelli, ouais. C'est sûr. Ouais. Mais bon, alors Bordeaux qui bat Monaco 2-1. Alors, Loïc, qu'est-ce qui s'est passé pour Monaco là? Sincèrement, pour moi, on est très doué pour ça à Monaco, hein, relancer des équipes qui sont en perdition. Mais le problème, c'est surtout que c'est notre façon de jouer, parce que Jardim, il laisse trop les équipes adverses jouer, alors que Bordeaux, ils étaient déjà pas trop bien. On avait tout à gagner, à leur marcher dessus, mais on les a laissé jouer. Mais après, le problème à Monaco aussi, c'est qu'on a perdu, comme chaque année, on a perdu beaucoup de nos cadres. Bon, on les a remplacés par des joueurs qui sont qui j'aime pas critiquer mes joueurs, mais franchement en qualité on a perdu énormément cette année par rapport aux années précédentes. Et quand je disais tout à l'heure là que j'avais quelques infos au niveau transfert, là il y a c'est quasiment sûr, il a quasiment signé le petit de Leverkusen, Henrich. Je suis pas sûr du nom, mais c'est il peut jouer latéral gauche, latéral droit, et il peut dépanner aussi en milieu défensif. Donc ça va beaucoup nous aider parce qu'au niveau de l'équilibre au milieu de terrain, on a avec le départ de Fabinho, on a perdu énormément. On a pris le petit Aoulou, mais il s'est pas encore vraiment acclimaté à la façon de jouer de Jardim. Et on va sûrement signer Marquisio, mais Marquisio, il demande à Monaco 3 années et on veut lui donner que 2 années plus 1 année. Mais lui, il veut 2 années, il veut 3 années sûr. Ouais. Donc ça c'est à voir. Et on va sûrement peut-être prendre un ailier, mais ça c'est pas sûr. On parle de Chadas, je sais pas si vous connaissez un petit de Braga, un petit jeune portugais. On a parlé de Brahimi, mais ça c'est enterré. On a parlé aussi d'un Italien de la AS Roma, Pierotti, mais ça c'est mort aussi. Donc on verra bien, on verra bien. Le mercato finit dans 3-4 jours, on verra. Mais pour revenir sur le match, c'est franchement Monaco a été très faible, très très très très très faible. Ouais, j'ai eu du mal avec ce match. Il n'y a pas grand chose à dire. Ah mais je te comprends. Après le petit Italien qui a marqué, et franchement lui. C'est une pépite, mais c'est à voir. C'est toujours les mêmes trucs, quoi. C'est travailler pour réussir, quoi. Mais lui, là, on le compare déjà à Zlatan, en moins technique, mais on verra bien. On verra bien. Bon, ben voilà, quoi. Hugo, qu'est-ce que. Tu l'as vu ce match ? Oui, alors. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bon, je vais ressortir la performance de Kamado, hein, doublé. Individuellement, il s'est montré très fort. Alors j'ai écouté attentivement, je sais pas si vous connaissez l'émission sur Beansport, le décrassage de Louis. Non, c'est quand ? C'est lundi à 19h. Ah oui, lundi. Et justement, Louis Fernandez, qui était le sélectionneur de la Guinée, il a parlé voilà des qualités de ce joueur, qui est assez rapide, voilà, très bon dribbleur. Il peut débloquer des situations, c'est bien, ça amène un peu de folie dans une équipe bordelaise qui, voilà, sur le papier, manque cruellement. On avait parlé la semaine passée. Alors là, franchement, Monaco, je suis déçu de leur performance. Enfin, c'est déjà la semaine dernière, je les avais pas trouvés géniaux, et là, voilà, ils stagnent. Ce qui fait de la peine, c'est beaucoup d'erreurs d'inattention. Des passes à 2 mètres qui sont ratées, des contrôles ratés. C'était évident. Pour nous, c'était mon égard, c'était évident. Alors, tu vas me dire l'impression que t'en as. Moi, j'ai l'impression que la Monaco, depuis le début du championnat, ils jouent des matchs amicaux. Ouais, c'est... pratiquement. Hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience en fait qu'on a des objectifs entre guillemets élevés et que voilà. Après, pour revenir sur Aoulou, il a été monstrueux à Strasbourg. Il a fait une grosse saison. Il était parmi les meilleurs récupérateurs d'Europe. Et là, j'ai l'impression d'avoir un joueur lambda, quoi. Je le reconnais pas. Dès qu'il fait une intervention, il fait une faute. J'ai du mal. J'ai du mal en ce début de saison. D'accord. Oui, tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Hugo ? Non, c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Ouais, bon, bah, moi, c'est peut-être un des seuls matchs que j'ai pas vu. J'ai dû voir à peu près un quart d'heure. Et puis, c'est vrai que le début était pas. C'était pas formidable. Et après, j'ai regardé le match d'un œil. Donc, il n'y a pas eu un pénalty pour Monaco ou pour Bordeaux non, qui a été coupé, non pour Bordeaux qui a été arrêté par Benaglio. Et voilà. Sans Benaglio, on prend facile 4-5-0. Hein. Ouais, d'accord. Il est bon depuis le début de la saison, Benaglio. Presque au point que je me pose des questions pour Subasic. Mais après, Subasic, il a un crédit illimité. Même quand il fout la merde, il est toujours, il est toujours numéro 1. Pour pas Benaglio, il mérite d'être numéro 1. Mais après, Jardim fait ses choix et voilà quoi. Mais c'est dommage. Parce que Benaglio, je le trouve vraiment beaucoup plus fort que Souba quand même. Ouais, d'accord. On va passer à un match. Ah oui, excuse-moi, sur la situation de Monaco. Il y a, je sais pas si vous vous rappelez, il y a en fin de saison, il y a des gens du golf qui voulaient racheter Monaco. Ils avaient déposé 500 millions sur la table et les Russes, ils ont refusé. Mais il y a beaucoup de bruit qui court en ce moment que le club veut sûrement les Russes veulent sûrement vendre le club sur le moyen terme. Et c'est pour ça qu'on a dégagé beaucoup de gros salaires et que Falcao, logiquement, il doit partir en décembre. Et donc, c'est pour ça qu'on a dégagé beaucoup de gros salaires, parce que le club va sûrement être vendu. Donc, après, je sais pas, on verra dans les mois à venir, mais c'est une rumeur qui court beaucoup depuis quelques semaines, en fait. Ça, c'est quand même dingue. Parce que là, on a, avec les ventes d'Mbappé, de Bakayoko et compagnie d'il y a deux ans, là, on a pratiquement 300 millions qui dorment dans les caisses, quoi. Donc c'est une rumeur qui court beaucoup en ce moment, depuis les rumeurs de rachat du club, donc on verra bien. C'est fou comme les clubs maintenant c'est devenu des jouets quoi en fait. Hein. Les mecs ils achètent pas un club pour y rester indéfiniment quoi. Ils vont rester. Mais après Nibolo Blaf il était parti pour rester, mais ouais, après il y a eu beaucoup de problèmes avec lui et le prince. Donc le prince essaye de faire surtout le forcing pour qu'il quitte le club, pour qu'il le vende, mais lui il était parti pour rester. Mais après comme je te dis on verra bien quoi. Si ce n'est que des rumeurs, mais ça devient vraiment insistant depuis quelque temps sous le rocher, mais on verra bien. Bon, affaire à suivre. Alors ce serait courant mi-saison quoi. Ça devait se faire normalement avant avant juillet-août, parce que le prince pousse. Après, c'est des infos que j'ai que je ne peux pas trop donner. Mais c'est le prince essaye de faire Ribo dégager, en fait. Parce que il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à une vente de tableaux qui... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais bon, je vais essayer de faire court. Mais Jean, la police monégasque l'a un petit peu caché par rapport à des conneries qu'il a fait, en gros. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais... Le prince n'a pas trop apprécié que le FBI, par exemple, débarque à Monaco, des trucs qu'il n'a pas trop apprécié, quoi. Donc, il essaie de faire en sorte que Ribo vende le club, quoi, comme je disais. Donc, on verra bien. Ça peut se faire dans deux mois, comme dans un an. Donc, on verra. Ouais. D'accord. Donc, défaite de Monaco de 2-1 à Bordeaux. Et Bordeaux qui se relance un petit peu dans ce championnat. Et on va arriver au match de... Alors non, on va juste avant parler vite fait du match de 15h de dimanche avec le LOSC qui recevait Guingamp. Et tiens Gabi, qu'est-ce que... Le LOSC qui a fait un très bon match. Hein, c'était un match à sens unique, mais le LOSC qui a montré de belles choses dimanche. Ouais, le LOSC qui a fait une très bonne partie contre des Guingampais qui devaient vraiment réagir après leurs deux défaites déjà du début de saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas du tout. Ils ont entamé le match d'une manière mais lamentable. Ils se sont pris but sur but avec en deux minutes là. Des Lillois vraiment qu'ont vraiment développé leur jeu par rapport à l'année dernière. Ils sont beaucoup plus sereins. Et puis il y avait juste à l'avant-match le président Lillois, Gérard Lopez expliquait justement que les joueurs dans le vestiaire vivaient bien, que c'était complètement différent de la saison dernière où ils étaient tous enfermés. Oppressé, enfermé dans leur rôle sur le terrain et surtout à l'entraînement durant la semaine où ils étaient incapables de s'exprimer. Ils étaient tous bloqués par Bielsa qui les empêchait s'épanouir. Voilà, exactement. Et c'était un peu le souci l'année dernière. Bon, j'ai du mal à croire que vraiment ça soit que ça, parce que finalement, Quand tu regardes Leeds en ce moment, qui est entraîné par Bielsa, ça marche bien, hein, Leeds. Après, c'est peut-être un autre jeu qu'on leur demande en championship anglais. C'est plus physique, du combat. J'ai pas regardé Leeds, hein, je peux pas dire si ça joue bien. Mais, ça joue bien. Ouais. Mais le jeu que propose Lille en ce moment, c'est vraiment pas mal du tout. C'est plaisant, ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les petites équipes au début de championnat, ça marche toujours très bien. Donc on va attendre les 6-7... Tu peux pas dire que Lille, c'est une petite équipe. C'est une équipe qui doit faire légitimement un top 10 saison. Ça, tu parles de la ville et du club. Mais les joueurs qu'il y a sur le terrain, excuse-moi, pas un grand club, hein, Lille. Hormis les quatre premiers, Saint-Etienne, est-ce que par exemple Rennes, c'est un meilleur effectif que Lille? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, on est d'accord. Moi, je trouve quand même. Ouais, il y a peut-être une différence légèrement favorable à Rennes, hein, c'est toujours pareil. Tu sais, on dit Lille, c'est un grand club, mais à quel moment c'est un grand club et depuis quand c'est plus un grand. C'est plus. Enfin, mais il faut pas surtout. Le statut, il vient d'où? Ils sont obligés de vendre. Mais je te dis pas que c'est un. Une grande équipe. En Ligue 1, en Ligue 1. Ils ont un effectif aujourd'hui qui doit leur permettre de finir dans les 10 premiers. Non, ils ont quand même des joueurs. Nicolas Pépé, il a une valeur marchande de 30 ou 40 millions. Jonathan Ikoné, c'est un grand espoir. Thiago Mendes, ils l'ont quand même acheté 10 millions. C'était un grand espoir au Brésil. José Fonte, c'est un joueur qui est super expérimenté. Ouais, quand même 35 ans ou 34 ans. Ah bah oui, mais c'est, il faut de l'expérience. Ça marche jusqu'à quel point, c'est toujours le problème. Hein. Tu sais, tu dis qu'ils doivent finir dans le wagon de tête, mais l'année dernière, ils ont fait quoi? Ils ont joué la relégation, donc faut vraiment être très très prudent par rapport à ce que disent certains journalistes à la télé. Faut vraiment voir par rapport au... Faut pas voir forcément le potentiel et la valeur marchande des joueurs, faut vraiment voir... ce que l'équipe donnera au bout de 6-7 journées hein, au mois de décembre. D'ailleurs, la 7e journée, le LOSC affrontera Bordeaux, là-bas à Bordeaux. Donc, ce sera vraiment le premier gros test. Ils vont rencontrer Amiens, Nantes, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est assez abordable. S'ils reproposent le même jeu qu'ils ont proposé face à Guingamp, je pense que ça peut être abordable. À partir de la 7e journée, on verra bien contre un plus gros ce que Lille peut donner, quoi. Est-ce qu'il y a que moi qui quand je vois jouer le LOSC, j'ai l'impression de revoir un peu le même jeu que l'équipe de France. J'ai l'impression que Galtier essaye de reproduire le schéma de Deschamps. Alors je sais pas si vous avez le même avec moi dans le style de jeu. Le style, c'est-à-dire que moi je les ai pas vus défendre une seule fois pratiquement Lille dans le match. Hein. Je les ai vus vraiment attaquer. De toute façon, ils ont pas eu énormément à défendre. Hein. Je te parle plus contre Rennes moi. Ouais, mais c'est-à-dire, tu veux dire qu'ils ont essayé de jouer en contre et récupérer la balle et se projeter vite. Ouais, voilà, ils se projettent vite. Enfin, ils ont la qualité pour se projeter vite. Pépé et Bamba, c'est des fusées. Ouais, c'est des fusées, c'est clair. Mais il y a une bonne connexion devant. Ah, moi, je suis d'accord sur ce point-là. Et l'intelligence, je pense qu'à Galtier, dans ce début de saison, c'est qu'il a essayé de voir toutes les erreurs qu'il a faites l'année dernière. Et je pense que là, il a envie de jouer, de proposer quelque chose. En se disant, finalement, on n'a pas une équipe qui est capable de jouer toute la saison comme ça. Donc, on va en profiter les premiers matchs pour prendre des points au maximum. Et quand l'équipe sera moins bien physiquement, bah, peut-être on va changer la façon de jouer. Moi, je le vois plus comme ça. Et Galtier, il est assez malin sur ce côté-là. Enfin bon, après, c'est qu'une supposition, mais je pense que Lille va changer sa façon de jouer au fil de la saison. On verra. Ouais. Mais alors, si je peux me permettre, petite parenthèse, je parlais d'Henrich tout à l'heure là à Monaco, c'est officiel, hein, il a signé là. D'accord, là, c'est officiel. Bien. D'accord. Et jeudi, c'est juste après la liste de Didier Deschamps qui sera sûrement vers 13h, à 18h, il y aura le tirage de la Ligue des Champions. Donc voilà, on verra contre qui Paris va tomber, et puis il y aura aussi la Ligue Europa, je pense, juste après. Voilà. Mais vous voyez, sur ce match-là, Camboiré qui vient d'être prolongé, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un entraîneur est prolongé, bah, ça sent le roussi pour lui. On lui fait confiance, ok, mais 3-4 matchs plus tard, il n'est plus au club, donc... Enfin bon, je dis ça en rigolant. Guingamp, mais... ça marche pas pour le moment. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment plus que brouillon pour Guingamp. Hein. Parce que t'enlèves Marcus Thuram, Nolan Roux. Il a été très bon, par contre, lui. Hein. Ouais, voilà. Thuram, il a fait. C'est peut-être un des seuls qui a fait un très bon match. Il est rapide. Mais voilà, c'est que malheureusement, quand t'es tout seul à être bon, ça va être compliqué cette saison. Après, il faut pas tirer des conclusions trop hâtives sur Guingamp. Non. Surtout qu'ils ont rencontré Saint-Etienne, Lille. Et Paris. Donc ils ont rencontré que des équipes qui sont plus fortes. Ils n'ont pas recruté encore Amiens, Nantes, Dijon. D'ailleurs, même si Dijon est en forme. La prochaine journée, ce sera contre Toulouse. Donc à voir. C'est la première victoire. Premier gros test, voilà. Donc on verra. Et enfin, victoire du LOSC 3-0. Et on arrive à Marseille qui recevait Rennes. Marseille qui devait se racheter après la défaite face à Nîmes la semaine dernière. Et la première période a été, je sais même pas si catastrophique serait le bon mot, mais cette équipe de Marseille a montré un football honteux. Enfin, c'était n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Et chaque année, bah, ça se répète. Chaque année, il y a toujours je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'ils ont fait une pré-saison? T'as l'impression qu'ils ont fait que des matchs amicaux, un petit peu à l'époque quand Trapattoni entraînait le Bayern, il faisait que des matchs amicaux, il faisait presque pas de physique, rien du tout. Là, t'avais un Marseille au niveau du milieu de terrain, mais qui était complètement à l'ouest. Mandanda, donc il joue pas parce qu'il est blessé, il a été remplacé par Pelé qui a fait une énorme bourde sur la deuxième sur le deuxième but. C'est du Pelé, hein, de toute façon, il peut être très bon comme il peut nous faire une cagade, mais énorme. Et heureusement qu'il y a eu cette réaction en seconde période. Mais encore une fois, Germain qui a été inexistant. Pour moi, Germain... Alors attendez, vous voulez rire un petit peu. J'ai lu cet après-midi, alors je me demande si c'est pas sur l'équipe ou Eurosport ou un des trucs comme ça, qu'il y aurait peut-être un échange entre Germain et Dembélé du Celtic. Voilà. Wow. Germain au Celtic. Ouais, hein, ça, le mec qui marque pas un but, excuse-moi, mais là, faut, franchement, j'espère que les Écossais, ils ont quand même regardé les matchs de Germain, hein, parce que quand même. Non, mais déjà, après, Germain, c'est pas un avant-centre. Hein, mais voilà, non, mais voilà, mais c'est ça aussi le souci. J'en veux pas forcément à Germain, parce qu'il est mis en pointe, mais on en a parlé la semaine dernière. Germain, c'est pas un joueur de pointe. Putain, je comprends pas pourquoi Garcia, il se met dans la tête que Germain est un joueur de pointe. C'est pas possible. J'ai une question, tu vas peut-être me répondre. Est-ce que Germain Mitroglou en association, ça a déjà été testé? Ouais, ça a été testé, mais quoi, 10, 20 minutes? Ah ouais, d'accord, ouais. Simplement, 10, 20 minutes. Et quand tu vois que Mitroglou rentre, eh ben, y a un petit peu plus, je dis bien un tout petit peu plus, un peu plus d'occasions devant le but de la part de l'attaquant. Ça va pas, ça va pas. Alors là, je vois qu'il y a Strootman qui a signé à Marseille. Je pense que c'est un bon... pour moi, c'est une bonne recrue. Bon, c'est qu'un milieu de terrain. Et alors peut-être, là, dans les deux, trois derniers jours qui vont arriver, il va y avoir un attaquant, peut-être pas un grand attaquant, mais il va y avoir un attaquant qui va arriver, peut-être un vrai attaquant. Alors, ça parle de Dembélé. Après, je sais pas, j'ai pas lu les autres rumeurs parce que... Ben Yedder. Ouais, Ben Yedder. Mais... Après, si ça peut te consoler, vous jouez Monaco la semaine prochaine, donc tu vas sûrement te relancer, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas. Mais après, moi, pour moi, le problème de Marseille, en fait, je pense qu'ils se voient peut-être trop beaux, parce que l'année dernière, Marseille a surperformé, ils ne s'attendaient pas à faire une saison comme ça, et peut-être qu'ils se voient peut-être trop beaux, en fait. Peut-être qu'il y a certains joueurs marseillais qui se voient peut-être trop beaux, en fait, à l'heure actuelle. Il y en a donc, qui se pensent peut-être encore en vacances, d'autres peut-être encore à la Coupe du Monde. Va falloir réagir vite, hein, parce que franchement, là, ce match-là, déjà que le match de Nancy n'avait pas été terrible, celui-là, la première période, c'était une honte, hein, franchement, surtout que Rennes, à part, c'est vrai que Sarr, hein, franchement, Sarr, c'est un sacré joueur, hein, pour le moment, c'est une bonne révélation de ce début de saison, c'est un mec qui est super rapide, mais franchement t'as pas à te prendre deux buts comme ça. Enfin bon, le penalty, voilà, il y a penalty, c'est obligé que tu te prennes, mais le deuxième but, franchement, c'est pas normal. Il a essayé de faire quoi, Rami, d'ailleurs, sur la faute? On dirait qu'il a essayé de faire une prise de catch. Non, mais il était encore avec Riner, voilà, c'est pour ça il s'est encore cru là-bas. Ouais, il a été ridicule, Rami, hein. Franchement, ouais, non, mais là, il est ridicule depuis le début de saison, Rami. Hein. Je sais pas, hein, faut qu'il redescende sur terre. Hein. C'est fini la Coupe du Monde, là. C'est fini la rigolade. Là, faut vraiment se reprendre en main. Ouais, j'étais déçu encore une fois, quoi. Malgré le 2-2, il limite la casse. Tu te dis, si ça commence comme ça, où est-ce qu'on va aller jusqu'à la fin de saison, quoi. Mais l'Olympique de Marseille est très limité, hein, sur le plan du banc de touche. Hein. Quand tu vois que Bounassar est encore latéral droit, alors que c'était un attaquant de base, c'est quand même dingue d'en arriver là, je veux dire. Hein. Sur le banc de touche, t'as même pas un latéral pour remplacer Bounassar. Si t'as Sakai. Non, mais de l'autre côté. Ah ouais, tu vois. Enfin, ouais, moi, de ce côté-là aussi, ouais, t'as raison, ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression que les erreurs de l'année dernière n'ont pas été prises en compte, quoi. Et on va se retrouver encore cette année avec un banc de touche plus que limité, quoi. Il va encore y avoir des joueurs fatigués en fin de saison et on va avoir un banc de touche. Là, le banc de touche, il fait pas rêver du tout, quoi. Enfin, je sais pas, mais. Mais là, il te reste 25 millions pour acheter un joueur. Donc, sincèrement, si tu te plantes pas. Franchement, il y a un Nicolas Pépé qui traîne là dans les jambes de Lyon. Bah, tu le piques, tu le prends, hein, tu l'amènes à Marseille. Merde, faut faire quelque chose à un moment donné. Je comprends pas. Et par contre, vous pouvez remercier Lucas Ocampos qui, encore une fois, a sauvé les miches de l'OM. Je me souviens que l'année dernière, il était, enfin, au début de l'année dernière, il était super critiqué par les supporters de l'OM. Puis voilà, ça fait quand même plusieurs fois que je vois Marseille se faire sauver par Ocampos parce que il croque peut-être énormément d'occasions, mais des guerriers comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est dans vrai. L'état d'esprit, il est bon dans l'état d'esprit. C'est vrai. Donc bon, bah voilà, mais moi je suis encore vraiment déçu par cette politique de recrutement. Alors ils ont pris Zubizarreta, mais des fois tu te demandes ce qu'il fait ici. Et puis t'avais, je sais que l'année dernière, de toute façon, Zubizarreta avait plein de noms en tête, mais à chaque fois Rudy Garcia refusait tous les joueurs proposés. Lastrutman, il vient pourquoi? Parce que c'est un ancien joueur de l'AS Roma, enfin c'était un joueur de l'AS Roma qui a connu Rudy Garcia. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile pour un joueur d'arriver. Mais là, ça va être encore un truc à la con, ça va être une Mitroglou encore à la dernière seconde du mercato. On va se taper un joueur qui est pas forcément connu ou qui est pas forcément dans l'attente des dirigeants marseillais. Et bon, cette saison, je sais pas. Hein, moi, je la vois pas comme l'année dernière. Hein, moi, je vois une saison pas terrible. Terminer encore 5-6e, quoi, tu vois. Je sais pas, j'ai pas l'impression que cette saison il va y avoir un renouveau, quoi. C'est frustrant pour un supporter de l'OM, c'est vraiment frustrant parce que chaque année, surtout sur toute cette saison. Bon, après, si on recrute à Monaco, on recrute, mais je pense, je vois pas Monaco faire une grande saison non plus. Donc, c'est la saison ou jamais pour Marseille d'essayer de toucher la Ligue des Champions, de revenir en Ligue des Champions, quoi. Mais la saison ou jamais, j'exagère, mais cette année, ils ont quelque chose à faire. Ah, mais si, hein, parce que bon... Pour la troisième place, ils nous parlent du champion de Project, c'est bien beau, mais j'ai l'impression que... Comment veux-tu être crédible? Alors, ok, l'année dernière, on est allé en finale de l'Europa League, c'est super, mais tu te rends compte qu'en fait, voilà, mais avec qui tu peux aller en Ligue des Champions, avec un effectif qui est pas mal, mais qui est finalement limité au niveau des remplacements. Donc, je sais pas. Cette année, ça va être compliqué. Faut encore mettre de côté la Ligue Europa et puis jouer que le championnat, je sais pas. C'est compliqué, quoi. Mais toutes ces équipes, de toute manière, c'est des équipes qui jouent la deuxième ou troisième place du classement. Ils jouent pas le même championnat que Paris ou Lyon. C'est ça le problème. Donc finalement, au début de saison, quand tu vois l'OM qui est pas motivé pour commencer la saison en faisant des matchs nuls chez eux et je ne sais quoi. Enfin, ils ont fait quand même. Et eux aussi ont un calendrier favorable quand même. Mais regarde, tu vois l'histoire du calendrier favorable, ça c'est une légende, ça qui a été instauré par je ne sais qui. Parce que finalement, contre Rennes, tu fais match nul, tu te dis que tu vas rencontrer Angers, tu vas rencontrer machin, tu vas prendre des points, ça se trouve tu vas faire nul aussi ou tu vas perdre. Les trucs favorables, franchement, c'est terminé. Il y a tellement d'équipes qui sont proches les unes des autres, mis à part Lyon ou Paris qui sont un peu au-dessus. Ces équipes-là, quand ils jouent Monaco, Lyon, Marseille, Paris, c'est les matchs de leur vie. Donc, ils vont se donner à fond plus que quand ils vont jouer une équipe de leur niveau, quoi. Ouais. Donc, il n'y a plus vraiment de petits matchs pour les grandes équipes. Il faut être en alerte tout le temps, quoi. Ouais. C'est vrai. Enfin, bon, voilà, quoi. Un mot sur Rennes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment c'est Rennes Écoute, Rennes, voilà, c'est l'équipe qui doit gagner, qui fait match nul. Voilà, c'est... l'histoire de leur vie, hein. Rennes, comme j'avais dit, c'est une équipe qui réussit au Vélodrome, et je me suis dit, putain, c'est pas possible, ils vont encore gagner au Vélodrome cette année. Ah ouais, c'est incroyable. Avec Gourcuff, ils étaient venus gagner 3-2 ou je sais plus combien. 3-1. Hein, 3-1, 3-1. Et Dembélé il y a 2 ans. Ils ont failli refaire le coup encore. Hein. C'est incroyable. Hein. Et regarde ensuite le banc de touche, t'as beaucoup de jeunes, donc c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui ont craqué facilement dès la deuxième mi-temps. Ils se prennent 2 buts après la reprise assez rapidement. Hein. Ils se prennent le feu, hein. L'OM qui revient sur le terrain, ils sont vraiment à fond. Il y aurait eu un vrai attaquant, je pense que Marseille pouvait gagner ce match-là. Ouais, ils auraient dû gagner Marseille, ouais. Ils auraient dû, c'est sûr. Enfin voilà, donc Marseille qui fait 2 partout, on va juste rappeler les autres scores, Amiens aussi avait battu le Stade de Reims par 4-1, alors là je vais juste m'arrêter 2 secondes pour parler encore de l'AVAR qui a été mal utilisé par l'arbitre, je sais pas comment ce qui s'est passé, mais Reims, donc il y a une faute sur un joueur d'Amiens, l'arbitre qui ne siffle pas. Et il va attendre au moins 5 minutes avant de, bah, de revenir à la faute et de donner un carton rouge au joueur, quoi. Là, il y a eu un gros abroglio. Il y a eu je sais pas comment ils se sont démerdés tous les arbitres, mais là, il y a eu un quelque chose. Bah, ça a complètement gâché le match et le stade de Reims, bah, qui s'en prend 4, quoi. Ça a été vraiment une soirée cauchemardesque, pour Reims. Et encore une fois, bah, la VAR qui se montre pas forcément de son beau côté, quoi. Enfin, c'est quand même ahurissant, quoi. Et d'ailleurs, pour parler de l'arbitrage. Est-ce que vous avez vu le nouveau consultant sur Canal Plus ? Oui, Monsieur Chaperon. Mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous avez pas vu l'émission ? Moi, j'avais vu son reportage sur lui. Il se permet quand même de. C'est un ancien arbitre qui se permet quand même de donner des conseils et faire des réflexions sur la carrière de certains joueurs. Je sais pas s'il a été engagé pour ça, mais j'ai vu un peu le regard du présentateur et des autres chroniqueurs en train de se dire « Attends, on n'a pas fait une connerie peut-être là de le prendre, parce que finalement... » Non, mais je vous invite à revoir l'émission, vous verrez de quoi je parle. Et il est pas du tout... tu vois que c'est quand même quelqu'un qui a arbitré pendant des années avec des idées sur le jeu qui ne sont pas forcément vraies pour un joueur sur un terrain, quoi. Il a une vision du football qui est complètement décalée, je trouve, par rapport à... Lui, il voyait plus ça comme un métier, le football, et moins comme un sport. Enfin, ouais. Vous verrez si vous regardez l'émission. D'accord. Ok. Ensuite, Saint-Etienne est allé faire match nul 0-0 à Montpellier. Bon, celui-là, j'ai pas vu le match, donc je peux pas dire grand-chose. Ouais, bon, enfin, bon, c'est pas grave. Nantes qui fait un partout face à Caen, hein. Nantes en plus dans un stade presque vide, hein. Les supporters qu'on a un petit peu marre du jeu proposé depuis le début de saison. Ouais, c'est un peu décevant quand même. Ouais, ouais. J'en attendais beaucoup de Miguel Cardozo là, mais c'est pas terrible pour l'instant. La mayonnaise pour le moment ne prend pas. Donc je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un entraîneur qui va quitter rapidement ce championnat de France? Il va être en concurrence avec Patrick Vieira, parce que Nice s'est pris une fessée monumentale face à Dijon, 4-0. Ça, là... ça fait plaisir. Ouais, voilà. Bah, ouais, moi, je m'y attendais. Ouais. Et alors, entre nous, qui va jarter le premier ? Est-ce que c'est l'entraîneur de Nantes ou est-ce que c'est Vieira ? Vieira après Cardozo, je pense. Ouais. Ouais. Non, mais Vieira, c'est pas possible parce qu'il est en sur-régime dès le premier match. Le deuxième, il essaye de limiter la casse. Et le troisième, il veut jouer, il se prend des buts. Donc je pense qu'il va falloir retourner à l'école, Patrick. Ouais, c'est sûr. Hugo, t'en penses quoi, toi ? Moi, il y en a un que je vois en danger que t'as pas cité pour l'instant. Même s'il a fait une bonne saison l'année dernière, je dis attention à Sabri Lamouchi avec le stade Rennais. Ouais. Je trouve que dans le jeu, c'est pas fameux quand même. Ouais. Et puis ouais, les dirigeants rennais, ils n'ont plus la même patience qu'auparavant. On verra bien de toute façon. Et enfin le dernier match, Toulouse qui bat Nîmes 1-0 et donc première défaite des Nîmois. Il y a eu deux pénalties hein, dans ce match et le premier a été loupé et le deuxième c'est Max Alain Gradel qui marque sur pénalty et voilà, nouvelle victoire de Toulouse face à Nîmes. Allez, vite fait, on fait les pronostics pour la semaine prochaine, pronostics de la quatrième journée, puis on parlera après du championnat européen. On commence tout de suite avec l'Olympique Lyonnais qui recevra Nice vendredi. Gabi. Ouais, 3-0 pour Lyon. Ouais. Ouais. Ok, Loïc. 2-0 Lyon. Ouais, ok, Hugo. 2-1 pour Lyon. Ok, bah moi je vais dire 5-0 pour Lyon, tu vois, c'est une belle fessée et Vieira qui va être démis de ses fonctions. Allez, soyons fous. Ensuite, samedi, Nîmes qui reçoit le PSG à 17h. Gabi. Moi je dis, je pense pas qu'il y aura un gros score, mais je pense à un 2-1. 2-1, ouais, ouais, pour Paris. Okay. Ouais. Loïc. 4-1 Paris. Ok, Hugo. 3-1 pour Paris, vu que c'est le score qu'ils font à chaque fois. Ouais, ben moi, je voulais dire pareil, donc 3-1 pour Paris aussi. Angelosc, Yabi. Victoire d'Angers, 1-0. Ok. Loïc. 2-0, Lille. Ok. Hugo. 3-0 Lille. Ouais. Je vois bien le début des problèmes, moi, contre Angers. On en reparlera, ouais. Allez, tiens, je vais mettre un partout, moi, match nul. Pour essayer de changer un petit peu. Ensuite, Dijon-Caen. Dijon-Caen, bah, victoire de Dijon 1-0, ouais. Ok, Loïc. 0-0. Ouais. Hugo. 2-0 Dijon. Ouais, 2-1 pour Dijon, allez, soyons fous. Ensuite, ce sera Guingamp-Toulouse. Victoire de Toulouse, ouais. 2-0. D'accord. Loïc. Guingamp 1-0, Thuram. Ouais. Hugo. 2-1 Guingamp. Ok. 2-0 pour Guingamp. Allez, voilà. Ensuite, 2-0 pour Toulouse, excusez-moi. Ah. Ouais, j'ai envie de voir Toulouse gagner à l'extérieur. Je sais pas, mais bon, on verra bien. Ensuite, ce sera Reims-Montpellier. Waouh. Alors là, là, c'est le match vraiment. La cote doit être énorme, à mon avis, pour une victoire à l'extérieur. Allez, mais avis, je vais mettre Reims 1-0. Ouais. 1-0 pour Reims. Pour Reims, ok, Loïc. Reims 2-1. Go. Bah, c'est les deux équipes qui m'ont l'air les plus solides défensivement du championnat, alors 0-0. Ok, bon, je vais mettre un partout. Ensuite, Strasbourg-Nantes. Ah, Strasbourg, 2-0. Ouais. Loïc. Strasbourg en route 2-0 aussi. Ok. Hugo. 2-2. 2-2 et moins 1-0 pour Strasbourg. On passe au match de dimanche avec Saint-Étienne-Amiens. Ouais, 0-0. Ok, Loïc. 2-0 Saint-Té. Hugo. 1-0 Amiens. Ah, je vais mettre 3-1 pour Saint-Té, allez, voilà. 17h, Stade Rennais-Bordeaux. Le match de la mort. Rennais-Bordeaux. Ah oui. De la mort pour les spectateurs ou pour. C'est le fameux. Comment on dit là. Je sais plus là. Somniférico. Ouais, quelque chose comme. Soporifico. Ouais. Ouais, écoute, ça va nous faire un beau 1 partout. Ok. Vas-y, Loïc. 2-0 Rennes. 2-0 Rennes, ok, Hugo. 0-0. Ouais, ben non, moi je vais mettre 1-0 pour Bordeaux, allez. Ah, il y a pire, tu parles mal de Rennes-Bordeaux, mais il y a pire, il y a Rennes-Toulouse. Ça, je pense que tu peux pas faire pire. Ouais, tu peux pas faire pire, ouais, c'est possible. Et enfin, donc le match de dimanche, Monaco-Marseille. C'est par rapport aux statistiques historiques, toi Nico, tu sais si Marseille réussit bien à Monaco ou si c'est l'inverse? Monaco, ils ont souvent gagné, hein, ils ont souvent gagné contre Marseille, hein, même dans les années 90 où Marseille ils étaient bons, Monaco ils avaient toujours, peut-être à la part la saison 93-94, hein, souvent, voilà, t'as 24 victoires de Monaco, 8 nuls et 16 victoires de l'OM, donc. Ouais, je mettrais victoire de Monaco, un petit score, quoi, 2-1, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, Loïc. 2-2. Hugo. 4-2 pour Monaco. Waouh, ça veut dire ouais, que Pelé va faire des cagades. Voilà, c'est peut-être escalade, je sais pas. Ouais. Allez, je vais faire parler le cœur, je vais dire, 3-2 pour Marseille, allez. Ça, c'est juste un rêve. Hein, mais ça bon, serait un beau match, ça veut dire ça aussi. Ça serait un beau match, voilà, pourquoi ouais. Pas, ça serait pas mal. Avec une bonne cagade aussi de, de Pelé, de Pelé. Dans le lot. Allez, on va parler donc du football européen. Par quoi vous voulez qu'on commence? Par la Serie A avec, la victoire de la Juve. Ouais, la victoire de la Juve. Vas-y, parle-en si tu veux, allez, vas-y. C'est un match qui était beaucoup plus intéressant que celui de la Juve contre le Chievo, où j'avais trouvé vraiment le Chievo fébrile en deuxième période, qui avait un peu laissé la Juve revenir au score. Et là, dans ce match contre la Lazio, finalement, c'était un beau match. Ronaldo n'a pas été en réussite encore une fois, hein. Il a du mal à prendre ses marques sur le terrain par rapport à ses coéquipiers. Mais je pense que ça va venir un petit à petit. On voit qu'il a envie, à l'âge qu'il a, franchement, être toujours aussi motivé pour, être le leader d'une équipe, d'une grande équipe. À chaque fois qu'il change de club, il rentre dans une grande équipe et il veut être à tout prix le numéro 1. C'est exceptionnel, je trouve. Mmh. Et franchement, il faudra compter sur lui, je pense, pour la Champions League cette année avec la Juventus. Après, moi, sincèrement, le match, je ne l'ai pas regardé en entier. Mais bon, la Juve a dominé hein, son sujet à domicile. C'était pas forcément un match très difficile pour eux. Je sais pas si Hugo, tu l'as regardé le match. Non, moi j'ai vu. Par contre, j'ai vu Rome Bergame, donc j'en parlerai après. Ouais. Mais de toute façon, je pense que la Juve, ils ont pris Ronaldo, je pense, juste pour remporter la Ligue des Champions. Hein, parce que la Serie A, après, bon, je pense que c'est un premier objectif pour eux, mais la Ligue des Champions, je pense qu'ils veulent qu'elle revienne à Turin cette année, quoi. Ouais. Mais ils ont une belle équipe, la Juve, hein, parce que t'as encore Mandzukic qui est là. Ouais. Pjanic qui est pas parti non plus. On aurait pensé, moi sincèrement, j'aurais pensé qu'ils auraient vendu un ou deux joueurs de plus, Kiguen qui est parti au Milan AC. Et finalement, ils se retrouvent avec la même équipe que l'année dernière. Alexandro est toujours là aussi, il est jamais parti au Paris Saint-Germain comme ça aurait été pendant l'été une des rumeurs aussi pour remplacer un latéral. Et ouais. Bonucci qui est revenu du Milan, mais c'est très bien. Après, la défense avec Chesney dans les buts, c'est pas génial. Moi, je comparais ça à un Areola au PSG, quoi. C'est cagade, des cagades dans les matchs importants, quoi. C'est... Ouais. Donc, écoute, en championnat, comme tu dis, hein, ça va être faisable. Et puis, le championnat, je pense qu'il va vraiment se jouer sur une ou deux confrontations, mais toutes les petites équipes qu'ils vont rencontrer, ils vont les battre à chaque fois. Naples, je pense que voilà, ça va être voilà, la Naples, plus grosse ouais. confrontation, ça va être Naples hein, cette année, parce que Naples, ils ont battu le Milan, 3-2, ils avaient battu la Lazio 2-1, en plus, donc la Lazio qui est avant-dernière du championnat pour le moment en deux matchs, hein, parce qu'ils ont perdu leurs deux premières rencontres. On est à des années-lumière de la Lazio des années de 2002, ouais. De 2000, voilà, quand tu avais encore Jabstam et compagnie. Oui Hugo, alors t'avais regardé Rome Atalanta alors. Ouais. Une équipe de l'Atalanta qui m'a pas mal plu. Ouais. Dans le jeu, voilà, bah, c'est une équipe qui depuis quelques années a des résultats en Serie A. Hein, ils sont en Coupe d'Europe cette année. Et l'année dernière, je crois qu'ils y étaient aussi. Ils étaient en Europa League, ouais. Voilà. Et donc voilà, une équipe qui a pratiqué un très beau football. Avec Rigoni, un attaquant voilà, qui s'est montré décisif, assez rapide, et un joueur qui m'a bien plu aussi du côté de la défense. Je ne sais pas si Timothy Castagne, ça vous dit quelque chose. Non. Je connaissais juste de nom, et voilà, bah, il a fait un très très gros match hier. Il a marqué un but, mais c'est surtout défensivement qu'il s'est illustré, notamment un sauvetage à la toute fin du match. Sinon, la Roma, bon ben voilà, la Roma, c'est pas une équipe. Justement, c'est l'équipe la moins italienne d'Italie. Si ouais. je peux m'exprimer ainsi, c'est une équipe voilà, qui joue vraiment beaucoup vers l'avant, comme on l'avait vu l'année dernière déjà en Ligue des Champions. Depuis qu'ils ont leur nouveau coach, Eusebio Di Francesco, bah, c'est vraiment pas mal. Il a su mettre en place un projet de jeu à Rome. Et je me demande si c'est pas l'outsider principal pour la deuxième place. Quoi. Peut-être ouais. même plus que Naples. Ouais. D'accord. Bah, à voir, hein. De toute façon, ça peut être entre guillemets, une bonne surprise. On connaît quand même la Roma, hein. C'est pas non plus une équipe de peintres, hein. Mais bon, ouais, ça peut jouer entre les trois cette année, quoi. Parce que le reste, bon, il y a Parme qui a refait son retour, mais là, pour le moment, c'est un peu du surplace pour Parme. Bah, le Milan qui a perdu face à Naples. Et donc, voilà, donc au classement, hein, c'est la Juve qui est première, suivie de Naples et de la Spal. Troisième avec deux victoires en deux matchs. On va passer peut-être à la Première Ligue aussi. Hein, Première Ligue. Alors moi j'avais vu Wolverhampton contre Manchester City et j'avoue avoir vu un très beau match de la part des joueurs de Wolverhampton hein, dans leur stade Molineux, le Molineux Stadium. Qui était bien rempli et j'ai vu un bon match hein. J'ai vu Manchester City peiner hein, face à cette équipe des Wolves. J'étais vraiment agréablement surpris, mais c'est pas le score de la troisième journée hein. C'est la grosse défaite de Manchester United face à Tottenham à Old Trafford. Vraiment une grosse fessée qu'a donné Tottenham. Et là Mourinho bah, qui est plus que jamais sur la sellette hein, je sais pas ce qui va devenir, mais de toute façon Mourinho depuis le début à Manchester City, à Manchester United, je me disais mais ça va être catastrophique. Et il m'a pas fait mentir hein. Gabi, t'en as pensé quoi de cette équipe, de ce match hier? Bah, le match de United a été catastrophique, c'est-à-dire que United a voulu mettre le bus devant leur gardien de but et finalement jouer en contre, un peu comme l'équipe de France à la Coupe du Monde, comme tu disais Hugo, pour Lille. mais là, c'était vraiment lamentable parce que Manchester n'a aucun joueur pour aller vite en contre. Sincèrement, je comprends pas ce que Mourinho fait encore sur le terrain, sur le banc de touche. Je comprends pas la politique des dirigeants. Alors, est-ce qu'il a du crédit par rapport à l'Europa League qui est revenu à Old Trafford comme titre depuis des années, voilà. Mais j'en sais rien. C'est vraiment bizarre. T'as l'impression que les dirigeants, ils sont très loin d'Old Trafford et ils dirigent ça de loin. Et puis t'as des gens qui sont un peu placés là pour gouverner le club. Mais c'est pas les actionnaires même qui sont là. Un peu comme Arsenal, tu sais, où t'as des changements de coach ou qui sont un peu discutables quand ils ont pris Emery pour Arsenal. T'as l'impression que c'est Wenger qui a été un peu chercher de lui-même Emery pour le succéder. Là, c'est Mourinho. Sincèrement, le jeu, il s'est tellement détérioré depuis le départ de l'équipe des Scholes, Geeks, etc. Tu reconnais pas Manchester. Tu mets le titre de Wolverhampton ou de Huddersfield à la place, tu vois pas la différence. Il n'y a pas de style à Manchester. Ils se sont pris la fessée, mais comme tu dis, ça peut être un match vraiment charnière pour cette équipe-là. Pour le départ de Pogba dans un autre club comme Barcelone avant la fin des transferts, ou des choses comme ça, parce que finalement, qui a envie de jouer dans une tactique où tu subis tout le match, même quand tu as les joueurs, pour jouer, pour rivaliser? C'est quand même incompréhensible. Manchester, vu comment ils sont partis, eux, là, je suis vraiment inquiet, déjà pour leur championnat qui va être assez ennuyeux pour les supporters, et deuxièmement, la Champions League, tu n'es même pas sûr de sortir des groupes en jouant comme ça, comme l'année dernière. Donc, ils se sont pris une fessée quand tu vois Lucas Moura, Harry Kane s'amuser dans la défense avec des centres à rater puissants et des ballons deuxième poteau, il n'y a personne. Il s'est amusé, hein, Lucas, hein, son dernier but, hein, il a passé toute la défense. C'était du, comme dans du gâteau, hein, franchement. Mais c'était un superbe match, hein, sincèrement. C'était un très bon match. Hein. Mais tu vois, il y a quelques années, Manchester, ils auraient perdu 3-0, les supporters seraient restés dans le stade. Là, tu as vu, le stade était presque vide à la fin du match. Ouais, ça c'est quand même dingue. C'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose qui a énormément changé à Manchester. Et j'ai l'impression que Mourinho a dégoûté pas mal de fans des Reds, quoi. Ouais. Enfin, de Manchester. Les Reds des Vols, ouais. Mais c'est cette mentalité en Angleterre... comme on disait avec Arsenal au début de saison, c'est dégradé parce qu'il te reste 10 minutes à jouer et les gens commencent déjà à partir quand il y a 2-0. Et c'est pas normal ça, parce que comme on disait, combien de fois t'as vu des clubs anglais dans l'histoire revenir au score dans les dernières minutes, marquer 2 buts? Même au Bayern, le Bayern qui avait mis 5 buts en 10 minutes, je sais plus contre qui là, avec Mandzukic, c'était Mandzukic ou je sais plus qui. Lewandowski, ouais, excusez-moi. Et voilà, il y a des choses à faire. Il y a plus de passion, t'as l'impression, sur le terrain. Les supporters connaissent tellement la manière dont joue leur équipe qu'ils se disent, là, c'est fini. 75e minute, allez, c'est fini. Bon, on s'en va parce que le parking, ça va être bouché quand on va sortir. Enfin, ils pensent déjà à leurs problèmes de famille alors qu'il reste 15 minutes de match. Je trouve que cette première ligue, on nous vend du rêve, mais finalement, les matchs durent pas si longtemps que ça sur le terrain, parce que il y a plus ce money time qu'il y avait dans les années 90, et on nous vend beaucoup de mensonges, je trouve, sur la première ligue aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Ouais, bah oui, parce que pourquoi ? Parce qu'il y a trop de pognon qui est en jeu, et puis on va acheter des joueurs plus chers que ce qu'ils valent réellement. Oui, oui. On pense que c'est des cracks et finalement ce sont des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau pour jouer en Angleterre, et puis tu te retrouves des fois avec des scores déjà faits depuis un moment où tu t'ennuies devant le match. Attends, avant quand tu avais un 0-0 en Angleterre, tu t'ennuyais pas du 0-0 parce que ça jouait. Là, tu vas regarder des matchs des fois en Angleterre. J'ai regardé Arsenal-West Ham, la première période d'Arsenal. Mais c'était une parodie de football, c'est pas possible. Arsenal, ils ont peut-être gagné 3-1, Mais la première période qu'a fait Arsenal, mais c'était n'importe quoi. West Ham, qui était quand même une équipe qui était pas facile à jouer, bah là ils ont perdu complètement leur âme. West Ham, c'est je suis vraiment cette première ligue est vraiment j'ai pas de mots quoi. C'est quand tu vois que tu préfères partir de Marseille, je parle de Zambanguissa, hein. Après peut-être qu'il a été forcé aussi par les dirigeants, je dis pas, mais pour aller à Fulham. Fulham, ils ont peut-être gagné 4-2, mais voilà, enfin je sais pas, tu pars pas dans un club comme ça qui vient d'être promu. Avant ça se faisait pas, ça, le mec qui partait en Angleterre, c'était pour jouer dans un club du milieu de tableau ou même de premier, enfin des 4-5 premiers quoi. Là, tu vas, allez, je vais jouer en Angleterre, j'ai dans n'importe quel club. Parce que j'ai envie de jouer en première ligue, mais franchement, quand tu vois le niveau de la première ligue, maintenant, c'est pas terrible, quoi. Je suis un peu déçu, moi, franchement. Ouais. Et vraiment, mais Arsenal, le match d'Arsenal, c'est le 3-1, il est pas du tout révélateur de l'équipe d'Arsenal. Hein. Cette année, Arsenal, ça va être encore catastrophique, je pense. Hein. Et puis en plus, Emery, quand tu vois qu'avec... avec Paris, il avait les grands joueurs, il avait des bons joueurs, mais là, il a des joueurs qui sont pas forcément, qui sont pas du tout au niveau du PSG, et tu vois que Emery, il est limité dans ses choix de toute façon, donc je sais pas ce que ça va donner pour Arsenal. Mais... c'est un des coachs aussi en Europe qui risque de ne pas passer l'hiver si ça continue, surtout si en Champions League. Ils nous sortent un groupe où justement ils sont éliminés au mois de décembre. Là, je pense que ça va faire un peu, tu sais, comme... C'est Moïse, plutôt. Moïse, il y avait Moïse avant. Et voilà, c'est un coach qui a été démis de ses fonctions assez rapidement. Hein, donc, ah oui. Voilà, bon, écoutez les gars, je pense qu'on a tout dit sur cette semaine footballistique. Merci d'avoir participé, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Salut. À vous, bye.